décibels, décibels, décibels. Relief, relief, relief. Couleur, couleur, couleur. Voici derrière sa machine à musique. L'homme au décibel magique. Écoutez la musique. Un disque jockey, le number one. C'est vraiment le meilleur. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Disco, disco, disco, disco sound. Funky, funky. Vous êtes ce soir au rendez-vous de toute la musique.